Un seul stylo pour plusieurs flots, vu que j'ai différents, tant pis, il faut 7 numéros. Mais la gueule pour n'importe quelle drogue, c'est de la bande donc on n'arrangera pas son tarot. On s'est fait du sale comme n'importe qui, ta réputation fera pas fuir mon équipe. Si tu tires, bah nous on tire. Y'a pas plus réel dans la style, les histoires finissent par te rattraper. Si tu t'en passes un nom, faudra cavaler. T'as joué le pute et tu veux qu'on t'aime, y'a que ton kick qui peut nous intéresser. Sans de l'attitude, depuis que j'ai cramé qu'on vivait dans un monde ténébreux. J'ai laissé les études pour monter dans des plafonds qui font encaisser les riche négro dans la ville, veulent savoir qui je suis. Je compte mon fric sans faire exprès, j'attire les filles. Jaloux de ma vie, les voisins appellent les flics. Un gros gars, moi sans main, je pars en chasse sans adrénaline. Wesh boy, on sait qui sont des réels bandits. On sait qui flic, on sait qui a la gâche de partir. Et mon téléphone, on a cramé qui sont les poussiers. T'as pas pas de boulot, on va te souffler dans ton propre domicile. Dans mon Benz, girl on parle la presse. Tu peux dire dans mon Benz, girl on parle la presse. Qui rapporte du péril, la jalousie dans les yeux de mes gars, mon entourage a la rage que je fasse la tif. Je laisserai jamais tomber mon banks, y'a que pour lui que je fais la guerre. Et aujourd'hui je me retrouve à faire rentrer des chèques. Me donne pas à fond quand je suis en action, je m'en fous complètement, c'est ma validité. Focus dans mon bailleau, ma destruction, je ne fais jamais le succès d'aller. La part ne m'intéresse pas, n'essaye pas de voir la taille de la mienne. Tu veux savoir que j'ai dans le compte, je les prenais des veilles avec ma banquière. Négro dans la ville, veulent savoir qui je suis. J'écoute mon fric sans faire exprès, j'attire les filles. Jaloux de ma vie, les voisins appellent les flics. Un gros gars, moi sans main, je pars en chasse sans adrénaline. Wesh boy, on sait qui sont les réels bandits. On sait qui flippe, on sait qu'il y a la gâche de partir.